Bonjour, ça va bien? Oui. Oui. J'en vois deux, trois au fond que je connais, donc si ma voix de baisse et que vous ne comprenez rien, n'hésitez pas à faire des signes pour me dire de hausser le ton ou on ne t'entend pas. Ok. Donc, c'est des mini colloques courts, c'est ça? Oui. J'ai pas plus d'une heure et demie, c'est ça? Pas plus. On va essayer de faire ça vite. Donc, la question que je m'étais posée, c'est qu'est-ce que l'austérité? Parce qu'on en parle tout le temps. Mais personnellement, bah, je sais que je ne sais rien. Ça, c'est une blague de disciplinaire. Et donc, je suis allé voir dans le dictionnaire. Parfois, ça aide parler et puis employer des mots dont on connaît le sens. Et ce que j'ai trouvé, c'était ça. Gestion stricte de l'économie comportant des mesures de freinage de la demande, le plus souvent par un recours à l'augmentation de la pression fiscale et, éventuellement, un blocage des revenus. Ça, c'était dans le petit Robert. J'ai rien compris. C'est ça qu'il faut retenir. J'ai rien compris. Ok. Lorsque j'ai lu pour la première fois, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Puis, à force de chercher, j'ai un peu compris pourquoi je trouvais ça compliqué. Si je me suis rendu compte que l'austérité, c'est quelque chose qui varie selon la perspective. Selon certains, notamment ceux qui s'en font les promoteurs, l'austérité, c'est ça. Déficit, zéro. Pour les autres, tout le reste, l'austérité, c'est déficit démocratique, zéro service public. Quand j'ai entendu ça, ben là, tout d'un coup, je me suis dit, ah, là, je commence à comprendre. Parce que le service public, j'ai une idée de ce que c'est. Peut-être plus que la définition que je viens de lire du Robert. La manière dont je le comprends, c'est que le service public, c'est l'incarnation d'une idée. Même une belle idée. Cette idée que, globalement, ensemble, on est en relation. Pour le dire de façon un petit peu plus jolie, c'est l'idée qu'il existe une chose qui n'appartient pas juste à telle personne, telle autre personne ou telle autre personne, mais qui appartient à tout le monde en même temps. Cette chose, c'est le bien public. Quelque chose qui appartient à tous et donc que personne ne possède, à lui tout seul du moins. Et donc, par rapport à ça, ce que j'ai compris, c'est que le service public, c'est ce qui permet à chacun d'avoir accès à ce bien public. Le service public, c'est concrètement toutes les personnes qui quotidiennement, au jour le jour, professeurs, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, infirmières, nommez-en, il y en a la tonne, qui ont pour fonction d'aider les autres à trouver ce qu'est ce bien public et à pouvoir y avoir accès. Donc là, évidemment, quand j'ai ça en tête, je compare ça avec ce que j'entends au sujet de l'austérité, ce qu'en disent notamment le gouvernement. Puis là, tout d'un coup, par contraste, je commence à comprendre aussi que l'austérité, c'est un petit peu comme une sorte de comptabilité politique particulière. C'est moi m'expliquer. Quelque chose du style, t'as 32% des voix aux élections, ça te donne 54% des sièges à l'Assemblée nationale et 100% du pouvoir. Puis pendant ce temps, tu as 90% des gens qui s'appauvrissent, parfois un petit peu, parfois beaucoup, qui sont marginalisés dans des proportions variables et parfois dans des grosses proportions, et qui globalement subissent une perte d'autonomie, que ce soit sur leur milieu professionnel, leur vie personnelle, et de façon générale sur leur environnement social. Donc, pour conclure, parce qu'il me reste pas du temps, que je le pensais, l'austérité, je ne sais toujours pas ce que c'est exactement. Par contre, je commence à comprendre deux choses. Numéro un, l'austérité, ça va contre le bien public. C'est pas pareil, voire même c'est l'opposé. Numéro deux, pour savoir ce qu'est l'austérité, il faut d'abord se poser la question de ses effets et il faut surtout savoir à qui elle profite. Merci.